Le ciel obscur, la solitude qui nous donne la peine, le cœur qui brise à cause qu'il a vécu seul. L'amour est parti, il y a longtemps que je t'ai vu, c'est trop long. C'est incroyable que je peux vivre comme ça. 的泪很冷了。